On va parler de la NFL avec notre ami Tony Guzzo du site internet LaBlitzNFL.com. Salut Tony. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien. Tony, Antonio Brown était encore une chance de se faire valoir. Et ça, tu diras, on dira ce qu'on voudra. Le fait qu'il s'en va avec les Buccaneers, que Tom Brady aurait pesé. Je pense que, je sais pas si c'est comme moi, mais on commence à savoir un peu pourquoi Brady est parti de la Nouvelle-Angleterre. Puis c'est peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Hein. Oui, tout à fait, Danny. On voit que Brady avait plus ou moins son mot à dire à la fin chez les Patriots, contrairement en ce moment avec Bruce Arians. Ça fait drôle parce qu'on dirait que Brady est rendu un directeur général chez les Bucks, mais... Est-ce que c'est vrai que Bruce Arians veut rien savoir? Je suis surpris de ça, moi, que moi j'ai vu ça sur... Ben, il l'avait dit, quand il était disponible ou quand Brady a rentré avec l'équipe, il l'avait dit en conférence de presse que c'était pas un bon fit pour l'équipe. Ouais. Donc, oui, il l'a dit et ça me surprend. En tout cas, c'est sûr que là, on voit un peu l'équipe qui va se construire. Il y a le fameux match ultime qu'il va falloir qu'il gagne, puis j'ai bien hâte de voir ça. Comment ça va aller? Ça va être une grande arme, ça va être des grandes armes offensives, mais si jamais Antonio Brown fait un peu, si vraiment il fait un peu, puis on va voir comment il... Mais en a-t-il vraiment besoin des Buccaneers? Les deux receveurs, Evans et Godwin, sont vraiment maganés. Hein? Godwin est blessé, il ne jouera pas en fin de semaine. Fait que là, on voit qu'il utilise un peu plus Gronkowski. Dans un sens, ils n'ont besoin d'un, mais est-ce que Antonio Brown est la solution? Ben non, j'ai hâte de le voir aussi, comment il est roulé ou pas, aussi à ce niveau-là, mais je pense qu'à un moment donné, c'est des adultes, hein, fait que si Brady il a tout fait pour convaincre Arians pour l'amener dans l'équipe, Brown, il est mieux de se réveiller. Mais il sait carrément là, que ce qui se passe avec Antonio Brown, que tu sais, quelque part, c'est sa dernière chance. Là. Ah oui, puis. Je pense que quand il va aller prendre une bière, Brown puis Brady, je pense que c'est Brown qui va payer la facture. Effectivement. Donc, c'est une nouvelle importante. Aussi, ben, c'est la date limite des échanges dans la NFL qui va avoir lieu cette semaine. Est-ce que mes pattes vont bouger? Je pense que la majorité des partisans des Pats qui disent qu'ils attendent après le match en fin de semaine, mais je pense que Buffalo devrait gagner devrait gagner facilement. Cam Newton, il est vraiment découragé. Les corps arrière des Pats cette année, seulement 3 passes de toucher puis 11 interceptions, ça commence à être beaucoup, ça. Donc, ils vont être beaucoup vendeurs. On connaît Bill Belichick, on sait rien. Non. Et le marché des transactions, des échanges dans la NFL, c'est un grand mystère. C'est pas comme au hockey où ce qu'on a tout hâte, on sait qu'est-ce qui va se passer, où on connaît la liste. Tandis qu'au football, tout est une surprise, soit pour diminuer un peu le plafond salarial, tout ça. Donc, Il y a quelques équipes que oui, ils recherchent des joueurs, mais je pense que les Patriots, on va voir si c'est. Ça va être une première pour Belichick dans une fonction de. Je vais te dire, est-ce que. Je vais poser la question, je ne sais pas si je te l'ai posé, c'est à eux que je l'ai posé. Est-ce que tu penses que Belichick va rester? Oui, je vous ai entendu à ce niveau-là. comme Hugues a répondu, tout est possible avec Belichick, mais. Je pense pas parce que c'est un excellent défi pour Belichick après 20 ans de qu'est-ce qu'il a monté. En tout cas, si c'est un coach qui veut continuer ou peut-être même à un moment donné, on l'avait dit aussi, il est peut-être dit aussi pour arrêter. Il est à 40 victoires de Don Shula. Ouais, mais c'est ça, exact. Fait que moi, personnellement, soit qu'il prend sa retraite, mais je pense pas qu'il veut changer. Fait que il va peut-être. En tout cas, avec tout ce qui s'est passé avec les Patriots, il va peut-être essayer de rebâtir cette équipe-là pour le mettre entre de bonnes mains à son futur successeur. Okay. Moi, je suis un optimiste à ce niveau-là par rapport à Belichick parce qu'il faut qu'il démontre Pendant des années, il a démontré qu'il repêchait très bien. Dernièrement, c'était à laisser à désirer. Là, ça reste à voir comment il va bâtir une nouvelle équipe après 20 ans de succès. Là, ouais, effectivement. On va y aller maintenant avec les matchs de la semaine. Il y en a plusieurs. Ben, il y en a au moins deux des très très bons. Moi, j'en ai spoté trois en fait. J'ai choisi le premier match que j'ai choisi, évidemment, c'est un match incroyable, les Steelers de Pittsburgh contre les Ravens de Baltimore. Ah, tout à fait, c'est le match à surveiller. Je comprends pas d'ailleurs que c'est pas Sunday Night Baseball Football, on n'a pas tant ouais. Au Sunday. Ouais. Ils ont laissé un match pour la division Ouest de la NFC, je pense. Ouais. Ou je me trompe, en tout cas, je pense que c'est ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est que ça va être un gros week-end, beaucoup de matchs de division, interdivision, de rivalité qui vont être intéressants à voir. Puis Pittsburgh-Baltimore, ça va être incroyable parce que les deux équipes, Pittsburgh, sont dans le top 10 en offensive, défensive. Mm. Devin Bush, je crois que la semaine passée, c'était le temps que ça finisse, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que Baltimore est aussi au top au niveau de défensif, au niveau des points marqués, et aussi top 10 dans l'offensive. Donc, ça va être un match très physique, très serré. Ma question, c'est Lamar Jackson. Ouais. On va voir comment que Lamar... J'ai des doutes, malheureusement, parce que ce genre de carrière-là, moi, personnellement, oui, c'est excitant à voir, c'est clair à voir. Ouais. Mais lors des gros matchs, c'est difficile à convaincre. Fait que je pense que c'est le gros test pour Lamar Jackson. Puis, être honnête avec vous autres, là, si je suis un DG des Ravens, puis je ne gagne pas ce match-là, je dois penser au futur à ce poste-là. Là. Oui, il va t'amener les équipes, mais il faut que tu gagnes le gros match. Et Lamar Jackson a eu de la difficulté face aux Steelers. Big Ben, toute l'équipe, ça va bien. Ça va être là la différence. Puis là, on parle beaucoup qu'on va voir peut-être le Lamar Jackson d'avant, c'est-à-dire qu'il va jouer beaucoup par la course. Parce que c'est un corps arrière que, oui, il a développé pour rester dans la pochette puis faire des passes. Mais tu vois que dans sa prise de décision, sa deuxième option, c'est de courir. Est-ce que Des Bryant va l'améliorer pas mal? Je pense pas. Des Bryant, il est seulement dans l'équipe de pratique. Ouais. Ben, il a même signé l'équipe de pratique. Là. Je ne sais pas s'il va monter. Ouais, ouais. Fait que ça, c'est. Il reste à voir. S'ils l'ont signé, Brian, dans l'équipe d'entraînement de pratique, Practice Squad, ça veut dire qu'il y a encore des croûtes à manger pour rentrer dans la grosse équipe. Mais ça va être un grand match à surveiller. C'est un match de division, rivalité entre ces deux équipes. Très intéressant à voir, mais je dois donner. Ça fait deux jours Je mets Baltimore, je mets Pittsburgh, mais je pense que c'est Lamar Jackson qui va faire la différence et je pense qu'il réussira pas. Donc, je vais donner l'avantage à Pittsburgh. Okay. Le match également qu'il faut surveiller aussi, c'est à 16h25. Un match très important pour la division ouest de la Conférence nationale. Moi, je qualifie que c'est la meilleure division actuellement dans la NFL. Les 49ers de San Francisco qui sont à Seattle, les Seahawks qui ont perdu un gros match la semaine passée, un match qui va faire mal à la fin de la saison. Tu sais, soit pour le titre de la division ou encore la barre tout le long des séries, tu peux pas tirer de l'arrière demain, mais c'est un gros point d'interrogation à la défensive des Seahawks. Tout à fait, Danny. On est 2-2 encore. C'est mon deuxième match aussi ouais, là, sur ma liste. Très dur. C'est incroyable. Les Niners sont derniers de leur division avec 4 victoires, 3 ouais. défaites. Là. Ils seraient champions. Il serait champion de division dans la NFC Est. Mm. Ah ouais. C'est malheureux, mais n'oubliez pas, il y a une 7e équipe dans les séries, dans les éliminatoires cette année. Donc, ils sont dans la course parce que présentement, je pense qu'ils sont 7e ou 8e. Donc, ils sont très proches. Donc, gros match entre les deux équipes. Comme tu as dit, Danny, Seattle, une défaite vraiment qui a coûté cher là, pour les Seahawks là, au niveau de la défensive. On va voir comment ils vont répondre suite à cette défaite-là contre Arizona. Les deux derniers duels entre les Seahawks et les Niners a été partagé. Donc, deux victoires, deux défaites. On s'attend, on va voir comment San Francisco, on doutait de un peu Jimmy G, tout ça, mais on va voir San Francisco au niveau du plan de match. Je pense que Kyle Shanahan va augmenter son niveau au niveau des plans de match. Il va être un peu plus agressif. La défensive est très forte. Ils ont rien qu'à louer 11 points dans les deux derniers. Ils ont alloué pas plus qu'11 points dans les deux derniers matchs. Fait que ça va être un match défensif. Et comme tu as dit, la défensive va laisser tomber Seahawks. Est-ce qu'ils vont se replacer? Ça va être un autre gros match de division à surveiller. Mais du matin, je m'attends peut-être Russell Wilson encore pour contrôler cette rencontre-là. Là. Ça se peut que Seattle revienne en force. OK. Et le dernier match qu'il faut surveiller, évidemment, c'est ton équipe. C'est toi, les débuts de toi comme carrière. J'ai hâte de voir pour deux raisons. J'ai hâte de voir toi. Et deuxièmement, j'ai hâte de voir la foule. Comment qu'on va y avoir de monde? Parce que là, on parlait de d'amener pas mal de monde. Je pense pas qu'on y a, on se rende à 60 000, par exemple. C'est drôle parce qu'il y avait toute hâte d'annoncer peut-être jusqu'à 65 000, mais ça me surprendrait. Ben ouais. Ça me surprendrait. Fait que on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Le 31 octobre, samedi, ça va être l'Halloween. Puis il y a bien des experts qui disent que ça risque d'être un spectacle d'horreur, malheureusement, pour Tua, parce qu'il affronte le meilleur défenseur de la ligue, Aaron Donald. On commence, moi je l'ai dit, j'ai une crainte. J'espère juste qu'il sort de ce match-là en santé, Tua, parce que les Rams vont attaquer Tua. Puis, en tout cas, on va le voir. C'est un excellent test. Je l'ai dit c'était peut-être trop tôt, c'était peut-être contre une équipe trop forte non plus, mais c'est un excellent test. Mais la seule affaire, c'est que je veux juste que la ligne offensive de mes Dolphins protège bien Tua. Mais ça va être un match intéressant à voir. Moi, je l'ai mis moi aussi en troisième, même avec tes Patriots, parce qu'on va voir comment que les Patriots risquent de perdre un quatrième match d'affilée pour la première fois depuis 2002. Donc, c'est tous des matchs comme ça à voir. Puis, c'est ça. Donc, pour venir à mes Dolphins, oui, ça va être un match à surveiller, mais en tout cas, on se croise les doigts pour Tua. Ça va-tu être l'histoire du week-end? Reste à suivre. Tony, un gros merci. Au plaisir de se reparler un autre temps. Parfait. Bon football. Tony Gouzeau.